Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. On est rendu au meilleur ou pire moment de l'émission, selon les goûts. Hey, c'est pas fin, ça! J'ai dit meilleur aussi. Pour moi, c'est le meilleur. Ouais, mais t'as dit pire. Là. En tout cas, ben, peu importe. Les moyens, comme ça me rappelle une blague dans le bloc. C'est des moments Virginie Coussi-Coussa. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 7 février 2011. Est-ce que ça nous a déjà empêché de parler de quelque chose, ça? Pas savoir de quoi on parle, François, voyons donc. Make me confiance, fais-moi confiance. T'as des bons goûts. Merci, François. C'est un compliment, ça. Ben, OK. Merci. À 7h42, là. Ouh, 7h43, même. Ah, oh, ouais. Oui. Un compliment qui pile sur 2 minutes, c'est encore plus beau. Vous êtes tannant. Non, François, fais pas ça. François, ne niaise pas Stéphanie comme ça, sinon c'est dans ta chambre. OK. Bon. Merci, Mathieu. Fait plaisir de te sortir de ça. Michel Vivant qui sortait un album aujourd'hui. T'es-tu sérieux? Ouais. Pour vrai? Ah ouais. Pour vrai? Ouais. Sans blague? Ouais. Ah ouais? Pour vrai? Vraiment. T'as dit. On pourrait continuer longtemps là-dessus. Écoute. Hier, moi, j'ai... je vais... tranche de vie ici. Tranche de vie. Un rhume qui commence, peut-être. Mais écoute, c'est bizarre que t'en parles parce que j'avais aperçu du côté sonore... Dans le timbre de ma voix. Oui. C'est pas bizarre. Moins mucus. Sinon, ça s'appelle quoi? Barre de surlignement. Très surlignement, oui. Il y a plusieurs façons de le nommer. La petite barre en dessous, comme certains disent. Petite note, parenthèse, tant qu'à mettre une petite barre en dessous dans votre courriel, là, vous ne pourriez pas trouver une adresse. Il n'y a pas de petite barre en dessous pour ne pas avoir à dire petite barre en dessous. Ouais, ça, c'est une bonne suggestion idée. Comme ça. C'est une bonne idée. Mais avant ça, demande spéciale. Demande spéciale. Roxane. Oui, Roxane. Bonjour, Roxane. Caroline 12, la pièce, c'est You Always Make Me Smile. Là, tu peux marmonner, je dirais, là, qu'on n'a pas tellement entendu ce que tu as dit. Yeehaw! Ça, c'est l'artiste. Exactement. Vous allez toujours répéter après moi, Mathieu. C'est très joli, c'est mignon. Google.com, petit site internet qu'on vous suggère. Google.com, dans la chronique Nouveau site web. Là. Mais ça, c'est rassemblage requis. Oui, le lien va être dans les notes de l'émission d'aujourd'hui. Non. À la place, on va aller entendre une bonne pièce. Qu'est-ce que t'en penses? Une bonne pièce. Pas une pièce, là, so-so, là. Genre Virginie Coussi-Coussa, là. Non. Elle est très, très jolie, par exemple. Oui, tout à fait. Elle est pas mal plus Coussi que Coussa. Ça fait drôle de pas parler fort, là, même. D'habitude, je serais comme, sont des requis! Non. Ils dansent avec les genoux! Pas trop fort, Mathieu. Pas trop fort. Relax aujourd'hui. Merci. De l'assemblage requis au 89.1 FM. F-O. F-O, non, F-O-E-M. C'est pas loin du M. Eh, oui, c'est ça, exactement. F-O. T'as l'air que t'es fort. C'est fou, 89.1 F-O-E-M. Wow! Aïe, aïe! T'es brûlé, Mathieu. Ah, je suis chaud du front. Ça va très bien, ça va mieux qu'hier, je te dirais. T'es élégant à voir en ce moment. Ah, t'es trop fin. Ben, j'ai récupéré de mon rhume dont on parlait hier, hein, c'est ce que tu veux dire, j'imagine. Plus de sueur dans le front, et puis au lieu d'avoir un café dans ma tasse à café, c'est du nez au citron. Exactement. Donc, je fais tout ce que je peux pour être là avec vous en ce jeudi matin. Hein. Ben oui, c'est dit à la main, comme ça. Dit à la main. J'aime ça comme expression. Non, est-ce qu'on fait ça? Donc, on amène Simon Fitzbé? On amène. On l'amène. Sur un plateau d'argent. Oh, mais notre plateau est rempli d'argent depuis qu'on l'a refait l'automne passé. Si les gens remarquent à la maison, on refait le plateau. Je ne sais pas si vous avez vu les flat screens partout. Puis c'est super beau. Là. Donc, écoutez le match des Patriotes présenté ici même sur les ondes de C'est fou. C'est samedi. Samedi, à 14h. Sur les ondes de C'est fou, à 14h. C'est samedi, sur C'est fou, 14h. C'est fou, samedi. Okay. Hein? Samedi. Peut-être c'est le petit piton reset. Là. Je pense qu'il est bloqué. Merci à François Landry. Bonjour, Barbe. Je sais pas comment l'imiter. Bonjour, Barbe. Parce qu'on est pas très bon pour écrire des sketchs. C'est comme nos pubs, c'est de la merde. Voyons donc. Je finis jamais mes mots quand je dis ce mot-là, par exemple. Ah, mais ça, c'est qu'il faut. Voilà, c'était les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 7 février 2011. Tu l'as dit, les meilleurs et les très, très, très, très mauvais moments. Bon. Donc, t'as dit pire, hein? Oui. Moi, je dis mauvais. Ouais. Ouais, les très enrhumés moments. C'est pas super. Non? C'est pas super. Moi, c'était dur, tu te rappelles? Oui, et oh, c'était pas dur, pas facile à écrire, ça. Pas dur. Non, c'était pas super, justement. Bref, écoutez donc l'assemblage requis du lundi au jeudi entre 7h et 9h avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante, ici même sur les ondes de C'est fou, 89.1 FOM. Infopub. Infopub. Hey, hey, hey! C'est Crazy Matt en direct de l'entrepôt de C'est fou! Hey, on a-tu de la musique dans le backstore, en arrière, en avant, en partout? Faut qu'on fasse le ménage là-dedans! Fait qu'à chaque semaine, je vous en donne 20 en français, 20 en anglais! Puis gratis, ben, je vous donne des nouvelles artistiques, puis les meilleurs moments d'assemblage requis. Est-ce pas un deal, ça? Les palmarès, c'est fou. Les jeudis à 14h. En rappel, les vendredis à 17h. Je suis crazy, crazy, crazy!